Sixième rencontre déjà, donc ça veut dire on est déjà à moitié du séminaire, déjà assez en retard sur le programme que j'avais annoncé au début. Donc je réfléchis aussi à la question si on peut continuer l'année prochaine, ah oui. Mais pas ici, c'est le problème. Ici, c'est le charge de reconductible une seule fois. Donc à part l'hypothèse extrêmement peu probable que l'école veut me recruter ici comme maître de conférence, il faut chercher un autre endroit. Alors, ben, soit qu'on y continue dans une forme plus privée que jusqu'ici, plus privée, et on va simplement se faire héberger quelque part, dans une salle d'université, etc. Mais là, je pense que ça risque un peu de devenir une chose plus fermée entre nous, donc ça serait difficile que d'autres gens arrivent. Il serait mieux de trouver quelques petites couvertures institutionnelles, je ne sais pas si vous avez une idée. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le Collège international de philosophie, c'est le seul endroit un peu, ouvert. Voilà, bien sûr. Mais là, il faut voir, parce que là, normalement, tous les 4 ans, je crois, ils recrutent des directeurs de programme pour 4 ans. Je ne sais même pas comment. Badiou a tenu 18 ans. Qui ça? Badiou, voilà, Badiou a tenu 18 ans. Le Collège international, ouais. Mais de toute manière, je ne sais pas quand est-ce que se tiennent leur prochaine séance de dénomination. Et donc, ce n'est pas vraiment maintenant. Cette année, il est nommé au Collège international. Je peux lui, voilà, je peux lui écrire. Non, on peut le voir. Merci. On peut le voir sur les sites. Maintenant, je n'ai pas encore pris le temps. Je sais comment ça marche. Il faut tous les 4 ans. Donc, le professeur est déjà en place. Ils nomment eux-mêmes leur successeur. Donc, c'est très. Non, non, je ne suis pas d'accord. Vous présentez, vous êtes pris. Hein. Non, alors, on peut faire, moi, j'ai fait une fois avec Gérard Briche un séminaire d'une journée. Là, effectivement, on peut le faire si c'est accepté. Mais si on veut faire une chose de durée, il faut, je crois, peut-être tous les 2 ans, peut-être le renouvelle moitié des directeurs. Je vais me renseigner, mais autrement, ben, si vous avez quelque autre idée, donc s'il y a quelque autre endroit où on peut le faire. Le paradoxe, c'est que dans les universités, on ne peut pas faire, paradoxalement en France, des choses gratuites. Donc même si je disais qu'on veut juste une salle pour se réunir, pour faire un séminaire, donc si on n'est pas un statut d'université, on ne peut pas le faire. Mais quand même, nous avons encore 3 mois. Alors, comme on m'a suggéré l'autre fois, donc je vais aujourd'hui m'arrêter au plus tard à 6h30 pour laisser un peu de temps pour le débat. Donc n'hésitez pas à la limite à me le rappeler si je suis trop bavard. Hein. Donc on a parlé donc l'autre fois de Christophe Alech, donc je voulais encore continuer aujourd'hui un peu l'exposé de ses idées. Il faut quand même dire que le livre, surtout son deux, pas tellement la culture des narcissismes, mais son autre livre, Le Moi Assiégé, Le Minimal Self, effectivement, un des livres que j'ai lu, je pense, avec le plus d'attention à chaque phrase dans les dernières années, je pense. Rarement j'ai pris tellement de notes comme sur ce livre, donc je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous avez eu la même impression d'une densité énorme d'idées. Malheureusement, j'ai découvert que l'édition française est très mal faite. En général, c'est une bonne collection de climat, mais d'abord, j'ai vu, alors dans l'édition anglaise, il y a des notes assez longues à la fin du volume, qui ne sont pas vraiment seulement des notes bibliographiques, c'est-à-dire qu'il cite toute sa bibliographie, mais il fait aussi d'autres développements, parfois sur plusieurs pages, donc c'est de véritables chapitres à part, les notes, et il manque totalement dans l'édition française. Ce n'est même pas indiqué que ce chapitre n'a pas été traduit, le chapitre de notes. Je trouve cela assez grave. Après, j'ai vu qu'il y a d'autres fautes assez bizarres, par exemple un texte de Marcuse qui s'appelle « L'obsolescence du concept freudien d'homme » est devenu ici, donc là, l'obéissance ou quelque chose, c'est en anglais, donc de toute manière, ils ont pris, au lieu d'obsolescence, ils ont mis obéissance. Et en plus, au moins certains passages, j'ai vu, sont mal traduits en plus. J'ai vu par exemple l'activité qui vise un but spécifique, donc chez Lesch, donc c'est un peu le concept weberien, donc d'une rationalité, zweckrationalité, ici est devenu tout simplement une activité déterminée, ce qui est vraiment trop trop vague, par exemple, il faut rendre ce que Lesch veut dire ici. Donc, je trouve que c'est un très grand livre, mais si vous avez la possibilité de le lire dans votre langue, faites-le. Faites-le. Et, de toute manière, c'est un autre. Je ne sais pas, je lis, alors, selon la couverture, on cite Pascal Bruckner qui dit sur le Nouvel Observateur. Il n'est pas une théoricienne qui n'ait été influencée par les analyses de Lesch au cours des 20 dernières années. Je n'ai pas l'impression, franchement. Donc, Mais ce n'est pas quelqu'un de crédible, Bruckner. Oui, d'accord. Et d'accord. Il est vrai que ces gens plutôt conservateurs comme Finkielkraut, effectivement, ont tenté, je crois, de tirer quelques profits de Lesch, mais en général, on ne peut pas du tout dire que l'œuvre de Lesch a fait une influence durable sur le débat contemporain, moins que jamais dans les universités, je trouve. Mais autant mieux. Et donc, je voulais... Donc, alors, d'abord, nous avons l'autre fois vu un peu la description que fait Lesch de la société narcissique. Donc là, donc, il fait aussi, comme a dit Jacques, des portraits psychologiques. Il y a un côté assez descriptif, où d'ailleurs il s'appuie sur énormément de matériel tiré évidemment de la littérature, de la politique, du sport, du mouvement social, etc. Mais je trouve aussi que la plupart des observateurs se sont d'ailleurs un peu, je pense, arrêtés plutôt à ce côté descriptif de l'ouvrage de Lesch. En vérité, ce qui, au moins pour notre cours ici, est plus intéressant, je trouve que c'est sa discussion de la psychoanalyse, sa relecture de Freud, et justement son interprétation du concept de narcissisme. Et la partie peut-être, selon peut-être la plus dense, le débat qu'il fait dans la dernière partie du mois assiégé, le débat qu'il conduit avec le néo-freudien de gauche, donc c'est-à-dire surtout donc avec Herbert Marcuse et avec les féministes de l'époque et avec la première pensée écologique, donc avec plusieurs auteurs qui, selon Lesch, porte à une espèce de valorisation positive du concept de narcissisme. C'est un amphi. Je pose à nouveau le problème de la salle, mais... Oui, oui. C'est pour ça. Mais vous avez vu par hasard s'il y a d'autres salles plus grandes qui sont libres à cette heure-ci? Je crois qu'on a déjà fait une fois, je crois, le tour. On a vu que tout est plein à cette heure-ci. Donc je veux donc après m'arrêter un peu donc sur la critique que Lesch adresse à Herbert Marcuse, et pour le faire je vais aussi résumer un peu ce livre de Marcuse pour ceux qui ne l'ont pas lu et même pour ceux qui l'ont lu, Eros et civilisation. Et parce que là ce qui est en jeu dans ce débat, est quand même effectivement véritablement l'apport que peut donner la psychoanalyse pour une interprétation émancipatrice de la société capitaliste. Parce que, et donc, si encore il reste du temps avant 6h30, donc après je veux un peu rentrer aussi dans la question pourquoi cela nous doit intéresser aujourd'hui au terme d'une espèce d'une critique du fétichisme, du narcissisme. Je trouve que quand même que Christopher Lesch, même si c'est un auteur qui a pour beaucoup de traits peut être appelé un conservateur, dit quand même des choses sur la nature du capitalisme contemporain qui, selon moi, vont parfois beaucoup plus loin de tout ce qu'on peut écouter, disons, dans des critiques targuées de gauche ou marxistes. Donc je fais circuler le volume. Peut-être si je démontre combien nous sommes, peut-être vont nous donner une salle plus grande. Bah, je pense qu'il n'y en a pas, donc je pense que ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais je ne sais pas si on veut chasser Marcel Gaucher de l'amphithéâtre. Je ne sais pas, non, ce n'est pas aujourd'hui, je crois. Que... C'est mercredi. Oui. Ouais. Mais c'est vrai quand même, en plus, cette école, moi j'avais vu à mon temps ici des cours de Castoriadis, on n'était pas beaucoup plus nombreux qu'ici, hein, donc mais c'est étrange, mais sauf quelqu'un, et le, moi je suivais le cours de Le Goff, on était peut-être 50 personnes, mais c'est quand même pas énorme, hein, donc je pense qu'il n'y avait que Derrida, je crois, qui remplissait l'amphithéâtre à l'époque, au début des années 90, Bourdieu. Pardon? Il a commencé, je pense. Non, ce n'est pas ici. Non, ça va être. C'était 7. Non. Donc, et donc aujourd'hui, je veux quand même lire quelques passages aussi de Lèche. Donc, ayez patience. Je sais que, étrangement, il est plus difficile de suivre un texte lu qu'un texte improvisé. Mais, de manière, je pense que vous avez compris. Lorsque Lèche parle de la culture du narcissisme, il ne parle pas d'une culture de l'individu triomphant ou de l'individu fort. Au contraire, il met surtout en relief la pauvreté de l'individu narcissique. Donc là, son usage est donc d'un côté différent par rapport à l'usage habituel du terme narcissique en tant qu'individu arrogant ou centré sur soi-même, mais là, ça va nous intéresser, c'est aussi différent par rapport à un auteur comme Marcuse qui utilise Narcisse comme une figure positive, comme une référence de ce qui pouvait être l'homme post-capitaliste. Donc Marcuse, il se réfère à Orphée et Narcisse, comme nous allons voir. Tandis qu'au contraire, c'est Lèche que Narcisse devient une figure entièrement négative. Donc, comme nous l'avons déjà dit l'autre fois, Narcisse n'est pas tellement celui qui aime soi-même, mais c'est surtout celui qui ne réussit pas à établir une frontière claire, reconnaître une frontière entre soi-même et son image, entre l'extérieur et l'intérieur, qui se noie finalement dans la source, justement parce qu'il ne comprend pas la frontière entre le moi et le non-moi. Donc assiégé, le moi se resserre jusqu'à ne plus former qu'un noyau défensif armé contre l'adversité. L'équilibre émotionnel requiert un moi minimal et non plus le moi impérial d'antan. De toute manière, donc, tous les livres en vérité de Lèche quand même se tiennent sur une espèce de tonalité très pessimiste, si on veut, assez dépressive. Il a aussi formé un grand contraste, par exemple, avec un livre comme Eros et Civilisation, qui est paru en 1955 aux États-Unis, encore plus ou moins à l'époque du mécartisme, donc on dirait une époque de profonde situation profondément réactionnaire, mais qui quand même est un livre plein d'espoir, donc qui peut nous sembler aujourd'hui parfois assez naïf. Tandis que le livre de Lèche, d'une certaine manière, sont publiés après 1968, et comment cet âge qu'il décrit, qui au contraire, donc il veut aussi sur une tonalité où pratiquement... il semble que éviter le pire est tout ce qu'on peut faire dans la vie. Donc le trait caractère, comme Claude a déjà vu, il dit que le trait caractéristique de notre culture sont l'ironie défensive et le désengagement émotionnel, rejet des engagements émotionnels à long terme, sentiment d'impuissance et de persécution, fascination pour les situations extrêmes et pour la possibilité d'appliquer leurs leçons au quotidien. On l'avait déjà dit, il y a tout un chapitre sur l'intérêt croissant à l'époque, dans les années 70 et 80, pour des phénomènes comme le Holocauste, mais aussi pour les survivants des grandes catastrophes, avec une identification psychologique parfois grotesque de l'homme moyen avec ceux qui ont survécu aux grandes catastrophes, avec l'idée qu'on peut en tirer quelque espèce d'enseignement à plus grande échelle. Et nous l'avons vu, donc, il met en relief que plusieurs des grands mouvements sociaux, même des mouvements qui pourraient être très positifs, comme le mouvement écologique et le mouvement pour la paix, sont quand même, dis-je, hantés par cette idée de la survie, qu'en vérité, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement de survivre, que l'idée de mieux vivre est quelque chose de repoussé à très loin. Déjà, si on réussit à éviter la guerre nucléaire et la catastrophe écologique, on aurait déjà fait beaucoup de choses. Alors, donc, comme j'ai dit, donc, je veux donc lire certains passages, me concentrer sur certains aspects du livre, surtout où Lech tente essentiellement de comprendre aussi où est le changement avec des formes de capitalisme antérieur. Parce qu'en même temps, c'est intéressant, justement pour Lech, donc, il dépasse cette idée que le narcissisme est un problème de psychologie individuelle. Comme j'avais dit, donc, déjà, d'autres psychoanalystes et psychologues avaient noté donc, cette augmentation long du siècle de la, donc, ce qu'on peut dire pathologique ou perversion narcissique. Mais en général, c'était longtemps considéré quand même comme quelque chose, comme un problème de psychologie individuelle. Donc ce n'était que Lech qui a fait du narcissisme vraiment un phénomène social, et donc il tente de relier donc, justement à l'évolution sociale générale. Mais, comme nous allons voir, là, je trouve que quand même son analyse reste assez insuffisante, parce qu'essentiellement, il oppose la phase récente du capitalisme, centrée sur la consommation, centrée sur la dissolution de la famille, il l'oppose à une espèce de stade, une période antécédente du capitalisme, donc grosso modo jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui au contraire aurait été, d'une certaine manière, basée sur des formes beaucoup plus stables, donc qui aurait été, d'une certaine manière, aurait donné effectivement un monde habitable pour l'être humain. On l'a dit, autant que son analyse du capitalisme des dernières décennies est convaincante chez Lech, je trouve autant qu'il se trompe lorsqu'il présuppose une fracture trop forte avec les phases antécédentes. Et donc il ne fait aucun lien avec des phénomènes comme la valeur ou le travail abstrait. Et donc cette espèce de vidange du monde qui est à l'œuvre dans le narcissisme, lui, il la relie de manière quand même quelque peu hâtive, je trouve, simplement à l'excès de marchandises et d'images dans la société contemporaine, donc au capitalisme, d'une certaine manière, donc post-Deuxième Guerre mondiale. Et pas du tout avec d'autres, donc avec les formes de base de la socialisation capitaliste dont nous avons parlé longuement l'année dernière. Et cette approche, disons que je dirais insuffisante et justement est intéressante, je trouve, parce que c'est un phénomène assez général. Donc j'espère qu'à la prochaine séance, on va parler surtout du livre de Dany Robert Dufour et d'autres auteurs d'être néo-lacaniens comme Jean-Pierre Lebrun ou Charles Melmont, qui sont d'une certaine manière, même avec une argumentation assez différente, d'une certaine manière, répètent quand même ce schéma de Lech. Donc, ils sont assez fortes pour comprendre quelles sont les caractéristiques du capitalisme contemporain, où la séduction et le narcissisme ont, d'une certaine manière, replacé les structures autoritaires antérieures, mais sans que cela comporte un degré supérieur de liberté. Mais là aussi, Dufour et les autres auteurs que j'ai cités, ils opposent cette phase dans l'absolu à une espèce de phase supposée où aurait régné une espèce de sujet fort, et donc d'une certaine manière on devrait récupérer pour se opposer aux dérives contemporaines. Donc ce qui manque partout, c'est effectivement un lien avec une discussion critique des catégories de base de la société capitaliste. D'ailleurs, si cela vous intéresse, il semble que je dois discuter le 25 février avec Denis Robert Dufour à une espèce d'université populaire qui en tient à la mairie du 2e arrondissement. Donc il y a un journaliste qui organise fréquemment des rencontres, je vais vous confirmer cela. D'ailleurs, je vous annonce aussi donc, le jour après le prochain séminaire, le 5 février, je présenterai aussi le livre de William Morris auquel je crée une préface pour les éditions Les Passagers Clandestins dans la salle de la librairie Quilombo. Donc ce serait peut-être encore une autre occasion de discuter autour de la question du travail. Ah mais assez de publicité pour nous, mais c'est... c'est vrai quand même qu'il faut quand même saisir toutes les occasions de discuter en public de ce genre de thème. Alors, donc je lis un autre passage un peu plus long de Lesch. Ce livre, je vous rappelle, a été écrit en 84, au moment publié. Et donc ça veut aussi dire, là, comme peut-être je l'ai déjà dit, il y a quand même effectivement quelque chose d'assez prophétique d'un côté, parce que ces analyses ont été comme écrites 15 ou 20 ans avant, par exemple, l'homme flexible de Richard Sennett, ou les théories d'ailleurs intéressantes de Sigmund Baumann sur la modernité liquide. Donc effectivement, pour d'autres voies, Lesch y était déjà arrivé. Lorsqu'il dit... Une culture organisée autour de la consommation des masses encourage le narcissisme, que nous définirons pour l'instant comme une disposition à voir le monde comme un miroir, et plus particulièrement comme une projection de nos propres peurs et désirs, non tant parce qu'elle, c'est-à-dire cette culture, rend les hommes cupides et sûrs d'eux, mais parce qu'elle fait d'eux des êtres faibles et dépendants. Donc là, il insiste toujours sur le fait que beaucoup sur le rôle de la bureaucratie d'un côté, et de l'autre côté, sur ce qu'elle appelle la mentalité thérapeutique, donc c'est-à-dire de tout le temps de mettre, de certaines manières, les individus sous tutelle, et de leur dire tout le temps, et toi tu ne peux pas arriver tout seul, donc toi tu es trop faible, donc il faut que ce soit des pédagogues ou des assistants sociaux ou tout autre genre d'experts qui s'occupent de toi, qui savent mieux que toi qu'est-ce qu'il te faut. Ici d'ailleurs, même s'il ne le cite jamais, je crois, les analyses de Lesch rencontrent quand même souvent les analyses d'Ivan Illich, donc sur cette espèce de perte de l'autonomie à travers les experts. Et justement, donc, l'idéal qui reste toujours un peu dans l'arrière-plan de Lesch est toujours cette idée de petite communauté, donc, où des gens ont beaucoup de contrôle sur leur propre vie, sur leurs conditions de travail, sur leur contexte social, et même aussi sur leur vie intérieure, et donc n'ont pas besoin tout le temps d'avoir des experts, donc des scientifiques de certaine manière qui gèrent leur vie à leur place. Et d'ailleurs ici Lesch se défend aussi contre la tentative de conservateurs américains de le recruter pour leur cause, parce que le conservateur américain typiquement, et il se plaint effectivement de cette espèce d'excès de mentalité thérapeutique. Ben, ils disent toujours que les mauvais états, l'état, c'est-à-dire l'état, le state, mauvais qui ne permet pas la liberté des individus sur le marché. Donc c'est là le discours typiquement américain des conservateurs, d'opposer le bon marché comme terrain de liberté contre la mauvaise bureaucratie étatique qui étouffe l'activité des individus. La Lesch dit que ce n'est pas son discours, il trouve que les grandes entreprises sont bureaucratiques tout autant que les institutions publiques, et cette espèce de perte d'autonomie se trouve dans toute la sphère de travail, donc également dans ce qui est marché et consommation tout autant que dans les institutions publiques. Donc là, le discours... Effectivement, le discours de Lesch n'a rien à voir avec une opposition entre État et marché. Il trouve partout cette espèce de structure qui nous suffoque. Et cela devant aussi une critique de la technologie. Là aussi, c'est un des aspects quand même plus forts chez Lesch. La critique fortement de la technologie, justement, comme une des manières de l'homme moderne de tenter de s'échapper à la sensation de à l'angoisse de séparation et donc, au sentiment de faiblesse. Donc je pense là, j'ai déjà dit d'autres fois, donc là il y a aussi le lien que fait Lesch avec son réinterprétation de la psychoanalyse. Donc les individus contemporains restent pratiquement des bébés au niveau psychologique, donc il reste une espèce d'angoisse de séparation par rapport à la mère, ou ce qui est une fonction de la mère. Donc ils sont toujours dans un état d'une très grande vulnérabilité, même par rapport aux individus d'autres époques, et donc ils tentent de combattre cette vulnérabilité, cette angoisse, soit avec des tentatives furieuses de tout contrôler par exemple à travers la technologie, soit avec des fantaisies, donc d'une espèce de fusion totale avec le monde qui nous entoure, comme dans les formes contemporaines de mysticisme, du genre New Age, mais aussi dans beaucoup d'autres approches holistiques à la réalité, par exemple dans une partie du mouvement des mouvements écologistes, etc. Donc là, c'est vraiment l'aspect assez fort du livre de Lesch, c'est on peut dire dialectique. Il trouve que beaucoup d'expressions de la culture contemporaine, même des expressions apparemment opposées, comme le culte de la technologie et une certaine écologie basée sur l'idée de la grande mère nature, dame nature, donc bienveillante, que ce sont toutes les deux des expressions même opposées, mais quand même finalement convergentes, cette espèce de angoisse de séparation qui, en tant que telle, est une fait naturelle dans le développement de chaque être humain, mais auquel la culture moderne ne trouve plus la même réponse que trouvait la culture antécédente. Maintenant, je pense que dans une seule phrase très longue, j'ai tenté de condenser un peu. Comme vous voyez, donc, je tente plutôt de me répéter souvent, plutôt dans l'espoir donc, d'un peu de. Comme l'oiseau de proie qui finalement réussit à faire des cercles autour de la proie, c'est-à-dire cette fois de l'idée. Alors, donc, la culture organisée autour de la consommation des masses donc, sape leur confiance en leur capacité à comprendre le monde, à le façonner, mais aussi à subvenir à leurs propres besoins. Le consommateur a le sentiment de vivre dans un monde défiant le contrôle et la compréhension pratique, un monde aux bureaucraties tentaculaires, fait de surinformation et de systèmes technologiques complexes, emboîtés, sujets à des pannes soudaines. Donc l'état de dépendance absolue dans lequel le consommateur se trouve vis-à-vis de ces systèmes d'assistance complexes et hautement sophistiqués, et plus généralement des biens et services de provenance extérieure, recrée certains sentiments infantiles d'impuissance. Vous souvenez ? Alors que la culture bourgeoise du 19e siècle renforçait les modes de comportement anaux, donc ce qu'on appelle le caractère anal en psychoanalyse, c'est-à-dire accumulation d'argent et des biens, contrôle des fonctions physiologiques et de l'affect, la culture de consommation des masses du 20e siècle recrée des modes oraux ancrés dans un stade de développement émotionnel antérieur, au moment où l'enfant dépend entièrement du sein. Donc, vous avez, oui, donc évidemment, le stade oral, donc la psychoanalyse précède le stade oral, donc c'est le premier stade lorsque l'enfant dépend entièrement d'être nourri plus ou moins au sein, ou dans ce remplaçant. Et donc, de rester ancré à ce stade veut donc dire de rester ancré à des modalités encore beaucoup plus primitives et archaïques du développement de la propre personne. Et justement, selon Lesch, cela se retrouve après beaucoup de vicissitudes, finalement aussi dans toute une culture, par exemple, qui est basée sur cette idée d'une gratification immédiate, d'une dépendance totale de l'individu. Alors ici, peut-être une petite remarque se pose. Comme je l'ai déjà dit, de certaines manières, Lesch se situe même historiquement à une phase de passage entre effectivement l'état-providence keynésienne, donc très basé d'un côté effectivement sur une prise en charge des besoins de l'individu. Peut-être vous rappeler, donc lorsqu'on avait lancé l'État-providence en Angleterre aux années 50, on disait qu'il devait s'occuper des citoyennes du berceau jusqu'au tombeau. Donc cette idée d'une espèce de s'occuper en permanence, donc vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un pour penser à vous. Et c'était aussi effectivement la même époque de la mentalité thérapeutique, où donc dans, qu'est-ce que c'était en prison ou en médecine ou ailleurs, donc toujours donc on considérait tout le monde plutôt comme des malades ou des gens qui ont besoin d'aide plutôt que des gens qu'on doit punir ou qu'on doit réglementer. Et d'un côté, on peut donc, mais justement à la même époque où Lesch écrivait ce livre, on a eu ce qu'on appelle la révolution néolibérale, et donc justement aux États-Unis d'abord, qui en partie se dressait exactement contre cette espèce de déresponsabilisation de l'individu. C'était le discours permanent des conservateurs de dire, ah, ici les gens ne sont plus motivés à travailler parce qu'on les paye quand même. Ils ne sont plus motivés à éviter les crimes parce qu'après on leur fait de la thérapie au lieu de les envoyer en prison. Les étudiants ne sont pas motivés à étudier parce que de toute manière on a toujours de la compréhension pour leurs problèmes, etc. Donc apparemment l'époque néolibérale était un peu sous le signe de c'était au moins l'idéologie officielle de mettre à nouveau les gens devant leurs responsabilités, des gens que si vous ne voulez pas travailler, ben alors allez dormir sous le pont. Ben, en Europe, peut-être on ne l'a pas exécuté jusqu'à la fin, mais je pense aux États-Unis, en Angleterre aussi, donc on est comme allé assez loin avec. Et vous avez peut-être vous rappelez il y a quelques années encore toute la réforme de la justice en France, donc on voulait pratiquement casser toute idée de thérapie pour revenir à un concept purement punitif de justice avec la réforme faite par que Sarkozy a fait exécuter. De même en psychiatrie, donc évidemment donc l'idée pratiquement de l'abolition de la donc aussi du aspect thérapeutique, etc. Donc d'un côté apparemment la révolution néolibérale, on pourrait penser presque qu'elle contredit cette analyse de Lesch. En vérité, je ne trouve pas du tout, parce que cette espèce de perte d'autonomie, cette espèce d'être toujours pris en régie, en vérité, a continué, même pendant les dernières décennies, sur presque tout le plan. Donc, parce que de toute manière, nous sommes toujours face à une marée d'experts sur tout aspect de la vie. Et en plus, cette perte d'autonomie n'est pas seulement une question d'autres personnes, mais aussi une question de technologie. Et là aussi, on a fait encore de gros progrès. Je pense, par exemple, à la vague du GPS, parce que tout le monde utilise le GPS pour se déplacer. Mais en vérité, personnellement, je trouve cela absurde. Donc, ça veut dire qu'on perd toute capacité de se orienté dans l'espace et de lire une carte ou éventuellement de demander de renseignement à quelqu'un à coin de la rue. Donc c'est un exemple assez frappant qu'en vérité cette incapacité de l'individu de régler soi-même le moindre problème de la vie donc augmente toujours et on est toujours, j'ai pas l'impression, à l'abri de quelques grandes tempêtes magnétiques qui peut-être va effacer tout ce qui est électromagnétique et qui va nous laisser totalement dénouer face à tout. Hein. Autre exemple, finalement, le téléphone portable aussi peut facilement être interprété, je pense en termes psychoanalytiques, comme une besoin permanente d'être relié à une espèce de mère qui est toujours là, qui répond toujours, que nous ne sommes jamais seuls. Donc, et donc, il y a toujours ce lien pervers entre la surveillance et la dépendance. Grâce aux cartes, on sait tous, là, grâce aux cartes de crédit, on peut toujours tracer le monde de nos mouvements. La même chose avec la carte Navigo dans la métro de Paris, etc. Et là aussi, très souvent, donc, des critiques mettent en relief tous les aspects négatifs de cette surveillance permanente aussi sur les réseaux sociaux. Mais on a l'impression que la presque totalité des personnes s'en fichent. Je pense même que beaucoup de gens, au contraire, trouvent probablement une espèce de soulagement dans l'idée qu'il y a toujours un œil qui vigile sur nous, que nous ne sommes jamais justement seuls. C'est aussi tout cela, je pense, une façon de combattre cette espèce d'angoisse originaire de la séparation. Donc l'idée que nous sommes toujours reliés à quelqu'un, nous ne sommes jamais dans la situation traumatisante du bébé qui crie et personne ne vient pour l'apaiser, non? Et justement, Lesch ne pouvait pas encore connaître cette technologie, donc je viens de citer, moi je trouve qu'il illustre à merveille certains de ses propos, donc aussi sur la technologie. Alors, Alors, le alors, pour continuer encore ce passage, le consommateur vit son environnement comme une sorte d'extension du sein maternel, tour à tour satisfaisante et frustrante, mais de toute manière, toujours de manière, moi j'ajoute, incompréhensible. Il a du mal à imaginer le monde autrement qu'en rapport avec ce fantasme. Le consommateur se retrouve face à un monde perçu comme le reflet de ses souhaits et de ses peurs. Un peu parce que la propagande entourant les marchandises les présente de façon fort séduisante comme des moyens de réaliser des rêves, mais aussi parce que la production des marchandises, de par sa nature même, remplace le monde des objets durables par des produits jetables conçus pour une obsolescence immédiate. Et, en outre, le consommateur doit une grande partie de sa connaissance du monde à des images et des symboles vidés de toute substance. Images et symboles qui semblent renvoyer moins à une réalité palpable, solide et durable qu'à la vie même du consommateur. Existence vécue non comme un sentiment éternel du moi, mais comme autant de reflets aperçus dans le miroir de son environnement. Je ne sais pas si c'est facile à suivre à la lecture, parce que je dis, son écriture est assez dense. Ce qui est intéressant ici, donc justement, Lesch ne connecte pas l'idée du narcissisme, d'une espèce de perte de valeur comme font le conservateur, mais il les lie quand même à la production des marchandises et surtout à l'obsolescence programmée des objets. Et d'un côté, c'est donc important, et surtout parce qu'il oppose ici le marchandise le monde des objets durables. Parce que l'idéal de Lesch, c'est peut-être la partie le moins intéressante de son ouvrage, cette idée d'espèce d'un monde où les hommes peuvent se retrouver dans des situations stables avec des objets durables qu'ils façonnent plus ou moins eux-mêmes ou dans la production desquels ils peuvent se reconnaître parce que c'est des gens semblables à eux qui les font comme dans un monde essentiellement artisanal ou de petite industrie. Donc là, Lesch est comme assez proche des analyses de, comme je l'ai déjà dit, de Hannah Arendt. Donc c'est-à-dire sur l'importance d'un monde où, d'une certaine manière, l'homme se reconnaît, retrouve aussi ses douleurs, retrouve ses peines, sa fatigue, aussi ses plaisirs qui lui a coûté la production de son monde, il le retrouve dans ce monde. Qui est donc le contraire, dit-il, du monde des marchandises qui nous arrive déjà tout près. Donc nous n'avons rien à voir avec sa production. Et donc c'est un procédé qui nous échappe totalement. Et donc qui se présente essentiellement non comme les objets justement durables avec lesquels nous pouvons établir une espèce de rapport sur lequel nous pouvons aussi transporter une partie aussi de nos propres affects, mais des objets pratiquement qui ne sont que des images. Voilà, comme je dis quand même. Et Lesch avait évidemment lu aussi Guy Debord déjà à l'époque, donc, où le monde est pratiquement réduit à une espèce de image. Les marchandises sont essentiellement consommées par les images qu'ils véhiculent et pas par le rapport réel qu'ils permettent, qu'ils établissent entre l'être humain et son monde. Donc d'un côté, c'est une analyse dirigée assez juste sur l'appauvrissement de l'expérience humaine à cause de l'appauvrissement des objets même. De l'autre côté, comme j'ai déjà dit, Lesch ne va pas au-delà de cette observation sur les marchandises. Donc il n'y a aucun lien avec la structure même de la marchandise et avec le travail qui produit les marchandises. Au contraire, le travail, il y a toujours une espèce d'opposition entre évidemment le mauvais travail, le travail pratiquement disons, industrialisé, donc il n'a pas aucun sens visible pour celui qui l'exécute. Il l'oppose évidemment au bon travail, au travail concret, au travail donc qui a une espèce d'utilité utilité évidente. Il a donc il n'a aucune réflexion sur le double statut, sur la double nature du travail dans la société capitaliste. Et Donc, je voulais encore lire peut-être au moins deux citations, justement, alors, sur le lien, donc, après qu'il établit avec... alors, pourquoi, donc, justement, le narcissisme et la société de consommation, donc, correspondent, justement, à une espèce de changement dans la structure psychique profonde de la... du sujet moderne. Mais dites-moi si je fais trop de lecture. Hein? Alors, le narcissisme est l'expression psychologique de cette dépendance. Dans sa forme pathologique, il apparaît comme une défense contre le sentiment de dépendance impuissante de la petite enfance qu'il tente de combattre par un optimisme aveugle et des illusions grandioses d'autarcie personnelle. Justement, le narcissique, donc, il a des idées énormes sur ce qu'il doit faire dans sa vie, justement, qui compense cette situation de détresse originaire. En prolongeant le sentiment de dépendance jusque dans l'âge adulte, la société moderne favorise le développement des modes narcissiques atténués chez des gens qui, en d'autres circonstances, auraient peut-être accepté les limites inévitables de leur liberté et de leur pouvoir personnel. Est-ce que j'ai déjà lu ce passage? Non. Limite inhérente à la condition humaine, en développant leurs compétences en tant que parents et travailleurs. La société rend de plus en plus difficile à l'individu de trouver satisfaction dans l'amour et le travail, mais elle l'entoure simultanément de fantasmes fabriqués qui sont censés lui procurer une gratification totale. Le nouveau paternalisme prêche en faveur de l'accomplissement et non du déni de soi. D'ailleurs, c'est intéressant, donc, il parle du nouveau paternalisme, donc il dit que le développement, le narcissisme, effectivement, abolit les anciennes formes de paternalisme liées à une espèce d'autorité visible, mais cela ne constitue pas du tout une forme de liberté, ni une forme d'anarchie, comme disent les conservateurs, mais une autre forme de paternalisme. Donc ce nouveau paternalisme se range du côté des pulsions narcissiques, que le plaisir de pouvoir compter sur soi-même, ne serait-ce que dans un domaine limité, pourrait modifier. Or, ce plaisir, lorsque les conditions sont favorables, va de pair avec la maturité. Donc justement, la maturité évoquée ici, c'est des gens qui savent qu'au moins dans un certain contexte, dans certains milieux, ils peuvent compter sur eux-mêmes, ils ont une certaine capacité de régler eux-mêmes leur vie. C'est qui reste quand même, faut-il dire, un idéal assez américain aussi. Mais justement, Lesch, il trouve que quand même, un idéal américain, mais c'est aussi un peu l'idéal, par exemple, de beaucoup de la tradition anarchiste en Europe. Donc cette idée qu'il ne faut pas bâtir, par exemple, comme le voulait un certain marxisme, une grande société qui prend en charge tous, mais qui posait comme idéal plutôt la constitution des petites communautés ou de gens, donc règlent eux-mêmes le plus possible leur affaire, toujours au niveau le plus bas possible, c'est-à-dire communal, association, etc. Une bonne partie de l'anarchisme, mais aussi du socialisme originaire, s'est situé plutôt dans cette situation. Non content d'encourager le rêve grandiose d'omnipotence, le nouveau paternalisme étouffe le fantasme plus modeste et affaiblit l'aptitude de l'individu à se laisser aller à croire. Il rend ainsi de moins en moins accessibles les gratifications que donnent les substitutions bénignes, en particulier l'art et le jeu. Or, celle-ci aide à mitiger le sentiment d'impuissance et la peur de la dépendance qui risque de s'exprimer sous les traits narcissiques. En effet, une bonne partie de ce livre est justement consacrée au rôle positif du jeu et de l'art. Donc pour Lesch, le jeu et l'art, l'activité artistique, ne sont pas de simples remplacements d'une autre activité, ne sont pas de simples substituts d'une autre gratification libidinale plus immédiate. En même temps, ils ne sont pas des choses complètement libres et gratuites, mais il constitue au contraire, selon lui, la meilleure façon d'établir un lien entre l'individu et le monde. Donc un lien qui ne se base ni sur le désir effréné d'une fusion totale, ni sur une espèce de de séparation totale et de domination de la nature, mais sur une espèce de rapport plutôt harmonieux ou de coopération avec ceux qui nous entourent. Et, mais je ne veux pas. Donc là, comme je l'avais déjà dit, il lit cela en concept d'un autre psychoanalyste important, l'anglais Donald Winnicott, ces idées d'objet transitionnel, donc l'objet qui permet aux enfants de se détacher progressivement de leur mère en transportant une partie de ses affections sur la mère, sur cet autre objet, qui donc qui n'est pas un remplacement, mais un objet pratiquement à part. Et d'ailleurs, justement, sur cette idée positive qu'a l'âge de l'art, nous porte en même temps donc, à critiquer très fortement des expressions artistiques de son époque comme l'art minimaliste. Donc, voilà, coller une citation, c'est justement sur le rôle de l'art avant de passer à autre. Alors, l'art ressemble à la psychose la plus profondément régressive dans sa tentative de rétablir un sentiment d'unité avec la mère primitive. L'art se distingue de la psychose ou de la névrose en ceci qu'il reconnaît la réalité de la séparation. Il rejette la facilité des illusions. À l'instar de la religion, il représente la restauration durement acquise du sentiment de complétude, sentiment qui nous rappelle en même temps celui de la division et de la perte. Et on peut dire que le travail doit assumer le conflit entre union et séparation, quand bien même le résultat final est joyeux ou serein. Dans les œuvres d'art les plus satisfaisantes, la résolution formelle n'est jamais vraiment complète. Parce que, justement, l'art, de certaine manière, parce que l'amour physique, la création artistique et le jeu ne procurent aucun cas de satisfaction directe. De fait, ils se font plus profondément satisfaisants quand ils nous rappellent la tension qui précède le relâchement, la séparation qui précède la réconciliation, la perte qui sous-tend la restauration, l'inévitable altérité de l'autre. Donc l'alternance entre la tension et le relâchement, donc c'est absolument fondamental dans tout art, parce que ça nous fait revivre le conflit entre la douleur de la séparation originaire et de manière quand même toujours limitée pour y remédier, sans jamais tomber dans l'illusion, dit-il, d'une espèce de résolution finale possible. D'ailleurs, c'était intéressant ce que tu m'avais dit l'autre fois, que ce qu'on tente d'apprendre aux enfants dans le premier cours de musique, avant de toute notion de musique, c'est surtout cette idée d'une espèce d'alternance entre la tension et le relâchement, comme si c'était là, de certaine manière, le véritable noyau de l'expérience musicale. Donc ça correspond exactement à l'interprétation de Lesch. Mais donc on ne peut pas. Donc, je vais sauter quelques parties, arriver justement à son interprétation de la psychoanalyse et à son débat avec Marcuse. Alors donc là, donc il s'engage dans un débat, à certaines manières difficile, qui a connu plus beaucoup de participants et de protagonistes. Donc son seul rôle entre la psychoanalyse et la société, et surtout si elle peut, la psychoanalyse peut contribuer à une lecture critique de la société. Pour faire assez bref, pour résumer au moins les étapes. Alors, comme peut-être vous savez, donc Freud d'abord, donc dans ses premiers écrits, ne s'est pratiquement s'est intéressé presque exclusivement du rôle de l'individu, donc il a entendu ça, donc la psychoanalyse comme une thérapie donc de l'individu, des individus malades, donc il entendait son rôle comme un rôle du médecin, sur des bases d'ailleurs que c'est volé rigoureusement scientifique et presque lié essentiellement à la biologie. Donc plus tard, donc Freud aussi dans les 20 dernières années de sa vie a produit aussi un certain nombre donc d'analyses de la société. Donc les plus connues sont évidemment l'analyse de masse et la psychologie de masse et l'analyse du moi. Donc les malaises dans la civilisation, aussi au-delà du principe de plaisir, etc. Et d'autres écrits. Et d'ailleurs, là, Freud prend quand même donc des positions assez nettes. Donc, il dit pratiquement, donc pour le faire très bref, qu'effectivement, la culture humaine ou la civilisation se base sur une répression des instincts, que la nature spontanée des pulsions va vers une satisfaction la plus complète possible, et que la société, pratiquement, donc, ne le permet pas aux individus. Et en même temps, il faut insister sur le fait qu'on ne peut rien y faire. Donc, si on veut pratiquement, on ne veut pas renoncer à toute œuvre de civilisation, donc à toute la commodité de la vie, à l'art, à la littérature, donc, et même à une structure sociale, donc, on doit de certaine manière accepter, donc on doit faire ce sacrifice de sa liberté pulsionnelle. Donc, on ne peut pas satisfaire ni ses pulsions libidinales, ni ses pulsions agressives immédiatement. Mais il faut accepter pratiquement que le principe de réalité modifie grandement le principe de plaisir initial et ne nous permet en général que des satisfactions assez limitées et souvent aussi sublimées. Donc là, c'est assez connu pour tout le monde. Et il faut donc quand même dire que Freud, de toute manière, s'exprimait rarement d'ailleurs sur des sujets directement politiques et sociaux. De toute manière, ses opinions étaient plutôt conservateurs, et de toute manière, d'abord il disait que alors, la psychanalyse n'a pas la vocation de rendre l'être humain heureux. Donc alors là, c'était aussi... C'est ce qu'on a souvent dit, qu'il était froid ou dur ou pessimiste. Donc pour lui, la psychanalyse pouvait juste aider les êtres humains à être un peu moins malheureux, et surtout donc à guérir des maladies individuelles, mais la psychanalyse ne pouvait pas indiquer... n'était pas ni une école de sagesse comment gérer sa vie, ni pouvait indiquer la construction d'une société meilleure. Donc pour lui, de certaine manière, la civilisation de son époque était d'une certaine manière, c'est-à-dire le mal mineur. Donc c'était un compromis nécessaire entre les pulsions instinctuelles de l'être humain et les exigences de la civilisation. Donc toute alternative, de certaine manière, serait pire à ses yeux. Donc le seul changement que, d'une certaine manière, qui prônait Freud, là, même là dans des termes comme assez timide, c'était une morale sexuelle moins rigide, moins stricte que existait avec la Première Guerre mondiale. Donc il y avait quand même découvert, comme on sait, que de la hystérie donc de ces premières passions était essentiellement due évidemment à leur répression sexuelle. Et donc il y a un écrit d'ailleurs assez bref de Freud qui s'appelle justement la morale sexuelle culturelle. Ah ben, c'est quelque chose, un titre assez long. Pour le reste, donc, Freud pratiquement n'imaginait pas un changement de la société dans un sens plus libérateur. Donc, l'autre aspect, c'est que de toute manière, il y a quand même une espèce de priorité chez Freud de l'individu et de sa base biologique par rapport à la société. Donc la société est comme clairement construite chez Freud comme une espèce de reproduction de la structure de l'individu. Donc c'est pratiquement la société existe quand même en certaine manière comme une espèce de union de la masse, par exemple, dans son écrit sur la masse, existe, on peut dire, comme une espèce de réunion, évidemment, de, les tendances pulsionnelles que les individus possèdent déjà, que, par exemple, qui veulent, par exemple, se choisir un chef pour projeter leur libido sur ce chef. Le lien avec la société est fait chez Freud, même d'une manière qui est effectivement assez surprenante, c'est-à-dire plutôt en faisant recours à la préhistoire. Donc, comme vous savez peut-être, donc Freud insiste sur le fait, sur l'importance de la préhistoire, de la horde primitive, où il y avait cette espèce de fameux père primitif, père originaire, qui avait le pouvoir absolu sur ses femmes et ses enfants, jusqu'au moment où, à un certain moment, les enfants se sont coalisés pour tuer leur père et prendre sa place, mais après ils ont développé de tels sentiments de culpabilité qu'ils avaient pratiquement, ils se sont mis simplement à sa place, ils ont reproduit pratiquement la même structure du père, mais maintenant sur une base plus égalitaire, pas une seule personne, mais comme groupe. Et en plus, ils avaient maintenant intériorisé ce sentiment de culpabilité. Après, c'est un totem et tabou, et après, dans d'autres écrits, notamment au-delà des principes de plaisir, Freud remonte encore plus en arrière, jusqu'aux origines anorganiques, donc de la matière vivante, jusqu'à la première séparation entre les vivants et les non-vivants. Donc là, il construit la théorie de la la pulsion de mort, donc comme une espèce de tendance innée de l'être humain à vouloir retourner vers cet état, vers cette situation d'un apaisement total, donc qu'il avait connu avant de naître, mais qui finalement est en vérité même l'apaisement ou la paix totale de la matière anorganique, donc il n'y a plus aucun mouvement. Donc, ce sont des spéculations, d'ailleurs Freud même disait que ce sont des spéculations parfois assez grandiforme et sonnante et sauvage. Donc, il est quand même intéressant donc, de voir donc, que la présence de la société dans l'individu chez Freud même donc, n'est pas tellement imaginée comme une présence de la société extérieure réellement existante aujourd'hui ou à son temps, mais plutôt comme une espèce de persévérance, des structures anciennes qui se perpétuent dans l'individu. Même, il semble que Freud imagine cette continuation même comme une espèce d'héritage. Ou donc, pour le dire en termes plus techniques, donc il y a une espèce de persistance de la phylogénèse, de l'ontogénèse de chaque être humain. Chaque être humain reproduit d'une certaine manière ce que les générations précédentes avaient déjà vécu. Alors là, c'était comme je dis, la situation chez Freud même. Donc après, évidemment, déjà très tôt, donc ses élèves et les gens qui se sont inspirés se sont déchirés sur presque chaque aspect de sa pensée et aussi sur le rôle justement de la société. Et notamment aussi sur le rôle du surmoi. Donc évidemment, du modèle tripartite, donc Freud introduit, donc vous savez, donc la division entre le ça, le moi et le surmoi, et donc le surmoi est donc la instance qui apparaît encore au moment du conflit édipienne et donc qui pratiquement sous figure du père dans la situation plus typique, et donc qui impose donc à l'enfant le renoncement à ses désirs incestueux et donc en lui offrant en échange une identification avec une figure paternelle et donc une espèce d'entrée dans la vie adulte où il y a quand même des satisfactions pas aussi totales comme la satisfaction qui rêve l'enfant mais qui en revanche sont quand même réelles. Je pense que je l'ai déjà dit. Et pour Freud, cela se fait d'une certaine manière et normal et positif, parce que ça veut dire certaine manière d'arriver à la maturité, donc d'arriver à la vie adulte, d'arriver à la génitalité. Ça veut aussi dire le fait que donc à travers cette figure paternelle, qui évidemment, comme vous savez, n'est pas nécessairement le père au sens strict, le fait qu'à travers cette figure paternelle, le jeune individu absorbe aussi toute la manière de vivre de la société et les autres figures d'autorité, pour Freud, ce fait est inévitable et surtout positif. Donc ça veut dire, on veut dire grandir. justement, c'est aussi là qu'on commence, d'autres ont commencé à les critiquer. Donc, pour autres, donc justement, donc cette première figure paternelle de surmoi est donc une, était d'une certaine manière la porte à travers laquelle une société autoritaire commence à prendre possession du désir spontané de l'individu de vivre. Et donc, le surmoi est donc été dans l'interprétation de ce qu'on a aussi appelé la gauche freudienne. Donc, le surmoi devenait d'une certaine manière l'ennemi, de certaine manière, donc devait le représentant d'une société répressive que impose donc une limitation de la originaire liberté de l'être humain. Donc évidemment le premier grand dissident dans ce sens-là il y avait Ferenczi, mais il y avait surtout Wilhelm Reich qui déjà à l'époque faisait beaucoup. Il y avait beaucoup d'échos avec cette théorie donc sur le lien entre marxisme et psychoanalyse et avec Wilhelm Reich est un auteur donc, qui a été périodiquement été redécouvert donc, avec son insistance sur la nécessité d'une liberté sexuelle totale comme une manière aussi de se opposer à la société capitaliste parce que ces auteurs-là ont d'ailleurs beaucoup aussi souligné le fait qu'évidemment il y a une espèce d'opposition entre le travail et la libido, donc c'est-à-dire que la société capitaliste utilise l'énergie libidinale originaire, donc elle canalise cette énergie vers le travail ou vers d'autres activités substitutives comme par exemple le militarisme. Et donc cette vision qui prévalue longtemps, de certaine manière, donc plus il y avait de répression sexuelle, donc plus on travaillait et vice-versa. Donc ça semblait un peu comme des vases, comme on dit, des vases communicants. Donc c'était ou l'un ou c'était ou l'autre. Et alors donc à partir donc surtout des années 50, donc presque tous les observateurs ont donc observé une diminution du surmoi, donc une diminution des structures autoritaires et à l'intérieur de la famille avec le rôle très diminué du pater familias, aussi avec le remplacement en général avec la diminution en général de l'importance de la famille pour la socialisation par rapport à d'autres agents comme l'école, plus tard la télévision et d'autres choses, avec évidemment le rôle accru de la femme dans la société. Et en général avec une diminution de toutes les figures paternelles dans la société, du genre le prêtre, l'officier, donc l'enseignant qui frappait les enfants. Je pense que encore se rappelle ça, c'était toi, non? Encore. Alors, donc, là, c'est évidemment une bataille culturelle autour de ça. Évidemment, pour les auteurs qu'on peut qualifier de gauche, donc cette diminution du surmoi était évidemment une forme de libération. Et il fallait tout faire pour aller plus loin dans cette route de la diminution de l'autorité. Pour le conservateur, au contraire, et c'était au contraire la racine de tous les malheurs de la société moderne, donc il n'y a plus d'autorité, donc les enfants grandissent sans père, etc. Et après, donc, c'était après le conflit classique donc, entre le conservateur, les libéraux qui avaient une position moyenne et les radicaux. Alors ici, donc, justement, Lesch prend une position assez différente, mais je pense qu'il mérite quelques explications supplémentaires. Il dit, alors je dois lire un autre passage. Les conditions changeantes de la vie familiale n'entraînent pas tant un déclin du surmoi qu'une altération de son contenu. Le fait que les parents ne font pas preuve d'un comportement discipliné qui puisse servir de modèle ou ne contrôle pas l'enfant ne signifie pas que ces dernières grandiront sans surmoi. Bien au contraire, cela favorisera le développement d'un surmoi sévère et punitif fondé en grande partie sur des images archaïques des parents jointes à des images d'une moi grandiose. Dans ces conditions, le surmoi consiste en introjection parentale au lieu d'identification. Il présente au moi un idéal démesuré de la réussite et de la renommée. Il le condamne avec une extrême férocité si celui-ci ne parvient pas à l'atteindre. D'où la violente oscillation dans l'estime de soi que l'on trouve si souvent dans le narcissisme pathologique. Le fureur avec laquelle le surmoi punit les échecs du moi donne à penser que le premier, c'est-à-dire le surmoi, tire la plus grande partie de son énergie des pulsions agressives du ça, sans injonction de libido. Les schémas supplices conventionnels qui identifient le surmoi au contrôle de soi et de soi et le ça à l'autogratification et les traite comme s'ils étaient radicalement opposés l'un à l'autre, ignore le trait irrationnel du surmoi et l'alliance qui peut se former entre l'agression et la conscience punitive. Alors, mais s'il y avait certaines notions techniques sur la, genre, la différence entre introjection et identification, etc., mais pour dire l'essentiel, donc l'idée, alors ici, donc justement, Lesch reprend une idée qu'il trouve dans le dernier écrit de Freud, mais surtout dans les écrits de Melanie Klein et de son école. Selon lequel le surmoi, donc édipien, donc qui apparaît à un état relativement déjà avancé, des gens de 3-4 ans, et quand même n'est pas le surmoi premier qui rencontre l'enfant. Déjà le tout petit enfant, le tout des bébés, déjà développe d'autres formes de surmoi, mais qui sont des formes beaucoup plus effrayantes, beaucoup plus archaïques, parce qu'ils naissent dans une situation beaucoup plus confuse pour l'enfant. Donc vous avez dit, donc le petit enfant, donc il pense, il se met en rage contre le sein, contre la mère, contre les parents, lorsqu'il n'est pas satisfait, il développe, selon Melanie Klein, donc des fantaisies terribles, il tente de faire mal, par exemple en mordant le sein. Après, il a le sens de culpabilité, il craint en revanche d'être attaqué, d'être dévoré par la mère. Et donc le monde, le monde du bébé est donc plein de peurs qui sont encore beaucoup plus effrayantes que la peur de la castration typiquement de la situation édipienne. Et donc le surmoi, donc qui apparaît en cette phase-là, est de certaine manière beaucoup plus total et beaucoup plus terrible que le surmoi encore de certaine manière presque rationnel et compréhensible qui apparaît dans la situation édipienne classique. Et donc pratiquement, pour faire bref, la théorie de Lesch est que bon, ce n'est pas seulement lui, il y a beaucoup d'autres. Il se rappelle, par exemple, se réfère souvent à un psychoanalyste français d'origine hongroise, Béla Grünberger, qui d'ailleurs, ça t'intéresse Jacques, c'est celui qui a écrit sous pseudonyme le livre L'univers concentrationnaire, où il avait épinglé en 68 Van Eygem et d'autres auteurs de la contestation, avec des arguments peut-être un peu faciles, mais peut-être pas toujours faux. Alors donc la thèse de Lesch, qui de toute manière n'est pas lui-même psychanalyste, il se réfère quand même à d'autres auteurs, la thèse pratiquement est que, donc cette absence, l'affaiblissement de la figure paternelle classique dans la société moderne ne signifie pas des individus qui sont plus libres parce qu'ils sentent moins le poids de cette autorité invisible, mais signifie au contraire que la force qui contient les pulsions spontanées dans l'enfant sont donc des forces de certaine manière plus terribles parce que plus archaïques. Et là, alors pour m'expliquer mieux, alors dans cette interprétation, donc de certaine manière, il n'y a pas une opposition comme ça pouvait paraître dans le premier écrit de Freud entre des pulsions libidinales qui veulent simplement vivre, s'exprimer, qui sont réprimées de l'extérieur par le surmoi, donc par le père. C'est la formulation du premier Freud, qui a été beaucoup repris ensuite par toute la gauche freudienne, par insister sur cette idée qu'il y a une espèce de nature, on peut presque dire nature bonne, donc de l'enfant, de l'être humain, donc il y a cette espèce de recherche du plaisir qui est reprimé de l'extérieur, donc par une force oppressive qui est d'abord le père en famille et après toutes les autres structures qui reproduisent cette espèce de l'extérieur qui brime l'individu et lui empêche pratiquement de pouvoir arriver à une espèce de liberté pulsionnelle. Donc c'est d'ailleurs une idée qui, sous une forme ou une autre, on trouve encore aujourd'hui, je pense, est assez répandue. Hein. Donc, et qui était surtout très forte en 68 avec toutes les idées, par exemple, d'une éducation anti-autoritaire. Alors l'argumentation de Lesch est au contraire, c'est-à-dire la structure pulsionnelle de l'être humain est dès le début de toute manière contradictoire, elle effraie de toute manière l'enfant, d'abord parce que par la violence de ce qu'il sent en lui-même, et aussi par l'impossibilité de réaliser d'ailleurs ce désir incestueux et agressif envers les autres. Et de toute manière, l'enfant a besoin d'une instance qui le met à l'abri aussi de cette espèce de tumulte pulsionnel qui sent en lui-même. Et d'une certaine manière, la situation oedipienne avec une figure qui mélange, d'une certaine manière, autorité et amour, et encore la situation la moins mauvaise, tandis que les figures plus archaïques qui apparaissent lorsque l'enfant ne peut pas encore vraiment comprendre l'ambiguïté d'une personne, qu'on soit la personne ou complètement mauvaise ou complètement bonne. Donc ces figures plus archaïques sont beaucoup plus terribles et créent de certaines manières un potentiel d'angoisse beaucoup plus forte qui va donc après revenir pendant toute la vie. Et donc justement le noyau, je pense que c'est l'argumentation de Lesch, de la culture moderne justement. Il y a une forte augmentation de cette espèce d'angoisse qui naît dans la toute première enfance, donc qui n'est plus mitigée par le classique conflit oedipien. Donc les individus rentrent déjà dans la vie avec une charge d'angoisse beaucoup plus grande que dans d'autres cultures, et beaucoup de phénomènes sociaux, culturels, politiques, etc., que nous trouvons aujourd'hui, sont toujours des réactions à cette espèce d'angoisse primaire que les individus traînent avec eux depuis les débuts. Je ne sais pas si c'est à peu près compréhensible aussi. Aussi, il m'a pris un certain temps pour rentrer dans le méandre de cette discussion, pour la trouver finalement très riche, un peu comme avec le travail abstrait. Là aussi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que c'est vraiment. Et cela ouvre, évidemment, que ça peut sembler une discussion assez technique, mais je trouve, et aussi c'est le cas chez Lesch, elle ouvre finalement sur des questions vraiment assez sociales et politiques. Je voulais dire cela à la fin, on peut peut-être un peu anticiper. Parce que dans la perspective, donc, c'est-à-dire de la gauche freudienne, donc aussi chez Marcuse, il y a donc cette espèce d'opposition entre les pulsions d'un côté et la société de l'autre. Et donc il faudrait d'une certaine manière donc, limiter ou abolir donc, le côté autoritaire dans la société. Donc c'est aussi un peu la position de Marcuse pour permettre le développement le plus complet, donc le monde brimé de notre pulsion originaire, d'une certaine manière, sont notre seule source de bonheur possible. Et on pourrait donc là aussi donc analyser les différentes cultures humaines, donc c'est d'ailleurs aussi selon le degré d'autorité qu'il exerce ou n'exerce pas, le degré de répression qu'il exerce ou n'exerce pas sur les individus, à partir déjà de techniques d'apprentissage. D'ailleurs, il y a donc une partie des néo-freudiennes donc, qui se sont aussi beaucoup rapprochées des études anthropologiques du genre Margaret Mead aux États-Unis, donc qui ont effectivement analysé les différentes façons de cultures humaines pour élever les enfants, justement pour leur donner plus ou moins de liberté, pour leur permettre plus ou moins de décharger plus ou moins librement ou pas leur pulsion agressive et érotique, de le convertir par exemple vers des attitudes de travail ou de guerre, ou au contraire de le laisser plus libre. Et donc tout ce genre de ce genre d'approche, d'une certaine manière, a aussi beaucoup influencé, d'une certaine manière, tout le climat de 68. Donc l'idée que la société pouvait, donc, d'une certaine manière, développer une approche beaucoup moins répressive vers la nature de l'homme, et lui permettre beaucoup plus de liberté pulsionnelle. Et parce que dans ces cas-là, parce que dans cette interprétation, donc, que nous trouvons chez Marcus, donc, la structure pulsionnelle de l'être humain est donc quand même quelque chose d'assez plastique, quelque chose d'assez, qui dépend des circonstances sociales. Donc là, le néo-freudien comme Marcus, il rompt assez avec Freud même, pour laquelle la structure humaine, de certaine manière, est biologique, reste à peu près toujours la même. Donc il y a toujours du Freud, le conflit entre la nature et la culture, mais il faut l'accepter parce que sinon ce serait encore pire, ce serait la barbarie. Il dit, autour comme Marcus, il dit non, la Freud se trompe. Et en vérité, certains changements sont possibles. Et donc on peut éviter de certaines manières ce conflit. Donc on peut au moins faire grandir aussi des personnes qui subissent au moins beaucoup moins cette espèce, par exemple, de conflit entre leur désir spontané et une structure autoritaire qui veut canaliser leur énergie libidinale vers un travail aliéné. Alors, la position de Lesch est encore différente. Je pense qu'il se trouve résumé dans cette phrase. Bonjour. Alors, si la désignation de la culture contemporaine comme culture du narcissisme a de la valeur, donc c'est-à-dire a du sens, c'est parce que la culture tend à favoriser les solutions régressives au détriment des solutions évolutionnistes, comme les appelle Jeannine Chasguet-Smirgel, autre psychanalyste française et d'ailleurs femme de Bella Grünberger, au problème de la séparation. Trois lignes de développement social et culturel paraissent particulièrement importantes dans l'encouragement d'une orientation narcissique vers l'expérience. L'émergence de la famille, soi-disant égalitaire, l'exposition croissante de l'enfant à d'autres agences de socialisation en plus de la famille, et l'effet général de la culture des masses modernes qui abolit la distinction entre illusion et réalité. Alors, je trouve ce passage intéressant lorsqu'il dit alors, la culture tente à favoriser les solutions régressives au détriment des solutions évolutionnistes au problème de la séparation. Alors, donc pour Lesch, tandis que pour d'une certaine manière, pour les néo-freudiennes comme Marcuse, le conflit d'Édipe, de certaine manière, est quelque chose qu'on peut éviter, parce que de certaine manière, c'est une construction culturelle qui naît d'une société autoritaire qui, assez tôt, dit aux enfants, donc arrête avec tes fantaisies, donc, avec des fantasmes et mettre à travailler et à obéir. Donc il faut donc, de certaine manière, avec un acte social, au moins réduire au moins le poids donc, de ces structures autoritaires. Donc là, et donc, cette conception est donc une conception qui donne beaucoup de poids au rôle de la culture pour la structure pulsionnelle de l'être humain. Je dis différemment de Freud. Lesch, au contraire, à certaines manières, il accepte l'idée qu'il y a une espèce de structure assez invariable, aussi parce que il ne s'intéresse pas tellement donc, au moment édipien, mais au moment encore antécédent, donc à la première séparation avec la mère, qui est assurément quelque chose d'encore beaucoup plus biologique et encore moins influençable par la société. Mais on n'en tire pas la conséquence que de toute manière, alors il y a une espèce de structure innée de l'être humain, et donc l'être humain sera toujours le même. Mais il dit donc justement que les différentes cultures proposent différentes solutions à cette angoisse originaire. Et là, il y a des solutions régressives et il y a des solutions, d'une certaine manière, évolutives, donc des solutions évolutionnistes. Donc il veut dire des solutions qui permettent une espèce de maturation de l'être humain et d'être maître de son monde. Je trouve ici s'ouvre une perspective intéressante de critique du capitalisme contemporain, l'idée que le capitalisme contemporain, en tant que société narcissique, constitue une réponse donc, profondément régressive à un problème qui, en tant que tel, peut-être à peu près éternel. Donc, c'est-à-dire, cette angoisse originaire qui dérive du fait que nous naissons et que nous devons nous séparer de notre mère, là, ce n'est pas une fonction du capitalisme. Mais la réponse qui a été donnée, par exemple la réponse de les fausses réponses qui sont données, par exemple, là, constituent une particularité du capitalisme et permettent de le condamner. Donc, ces fausses réponses, donc, est justement tout le fait que tous dans le capitalisme, surtout dans le capitalisme pleinement développé, tendent à éviter ce processus douloureux de la croissance et au contraire, de plâtrer les blessures de ce premier processus à travers, donc, en fournissant donc, des idées donc, de toute puissance ou de fusion, de contrôle total ou au contraire de se mélanger totalement à un milieu. Et donc, s'il y a donc une lien profond entre le capitalisme et une espèce de structure psychique de l'homme contemporain dégénéré, donc pour l'Esch, elle n'est pas dans l'ancrage de l'autoritarisme dans nos âmes, mais surtout dans le fait de certaines manières, le capitalisme nous empêche de manière croissante à arriver à une espèce de maturité psychologique. Et au contraire, comme on dit, il favorise la solution régressive, par exemple, justement, de vivre toujours dans un monde entouré d'images, avec des fantasmes où nous sommes capables de tout faire, où la marchandise réalise notre moindre souhait dès qu'il apparaît, ou dans des jeux vidéo, nous pouvons être tous les héros que nous voulons, où nous pouvons trouver tous les partenaires possibles sur Internet, etc. Donc tout cela, ce sont donc des situations régressives. Donc justement, à un problème qui, en tant que tel, est peut-être fait partie effectivement de certaines natures humaines. Est-ce que vous m'avez à peu près suivi ? Non, je trouve cette idée de la solution régressive, je la trouve si importante par la raison suivante. Surtout à l'époque postmoderne, donc on a souvent demandé aux gens qui critiquent le capitalisme, on demande au nom du quoi tu le critiques. Donc il n'existe pas un paramètre absolu. Donc qui a dit que, par exemple, une société, par exemple, où il y a une forte atomisation des individus, qu'elle est, par exemple, pire qu'une société où il y a de forts liens sociaux. Par exemple, on peut dire une société atomisée permet beaucoup plus à chacun de choisir sa vie, surtout aux personnes qui avant avaient le mauvais rôle, des gens, par exemple aux femmes, aux gens qui viennent des campagnes, etc., et aux minorités sexuelles, etc. Donc une bonne partie aussi de la critique postmoderne tendait aussi dans son relativisme assez fort, de dire que de certaines manières, il n'existe pas un paramètre pour une espèce de paramètre pour dire que le capitalisme est une mauvaise société, parce que de certaines manières, il n'existe pas un paramètre, une espèce d'échelle unique qui permet de dire qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est pire. Je trouve justement intéressant que cette idée d'une espèce, le fait que le capitalisme favorise des solutions régressives à des problèmes qui sont effectivement des problèmes bien comme l'humanité, au contraire, permet d'une certaine manière de faire une critique sur nous, d'une certaine manière plus objective et mieux basée de ce que nous vivons. Et par exemple, lorsqu'on parle par exemple d'une infantilisation, comme dans le livre de Benjamin Barber, sociologue américain, qui a fait un gros truc, qui s'appelle « Comment le capitalisme nous infantilise », donc on voit donc que cela n'est pas seulement dû, par exemple, à des stratégies de marketing ou autre, mais évidemment c'est tendance à l'infantilisation et quelque chose qui est profondément enraciné donc, dans un développement dans cet entrelacement entre développement social et développement disons, psychique de peut-être de dernière 50 années. Et on peut par exemple, justement dire par exemple que tout évidemment, l'engouement pour les solutions technologiques justement ne correspond pas seulement à des motivations économiques, parce qu'on sait que trop souvent la technologie, les aéroports à Notre-Dame de Londres n'est pas du tout une solution économique, mais évidemment car ça titille par exemple effectivement une partie du public, surtout une partie de ce qu'on appelle les décideurs, ça titille évidemment vraiment par exemple des désirs de toute puissance, des identifications avec quelque chose qui te permet justement de certaines manières d'exorciser par exemple cette sensation de impuissance, de détresse originaire face à la nature, face à d'autres problèmes qui sont sentis comme si angoissants parce qu'ils reproduisent évidemment une situation originaire de détresse. Là aussi, je répète encore, donc pour la perspective de l'Esch, la détresse aussi que vit l'être humain au début de sa vie n'est pas en tant que tel un fait social, c'est évidemment quelque chose d'assez immuable, mais la question est comment réagir. Par exemple, les objets transitionnels, donc le doudou donc par le Winnicott, est par exemple une manière pour l'enfant de faire peu à peu amitié avec le monde, de transporter sur le monde les affections qu'il a pour la mère, et donc peu à peu de surmonter par exemple ce trauma de la séparation, de découvrir qu'il n'est pas identique à la mère. Mais là où, et justement dans un autre niveau, donc une contrôle raisonnable de la nature, par exemple, permet également à l'homme de dépasser sa sensation d'impuissance face à la nature sans vouloir la dominer complètement, tandis que la solution de la méga machine technologique, au contraire, donc ils sont enracinés dans une... Évidemment, ils sont aussi beaucoup de... Ils s'appuient fortement sur des personnes qui portent déjà chez eux, évidemment, une espèce d'angoisse qui dérive d'une enfance mal vécue et qui se décharge plus tard, donc évidemment, sur toute une série de fausses solutions. Mais... Qu'est-ce que sont ces forces archaïques dont... Pardon ? Qu'est-ce que sont ces forces archaïques dont parle l'Esch ? Là, ici, il se réfère surtout donc, comme je dis, aux études du dernier Freud et de Melanie Klein. Donc, selon l'enfant, donc, vit donc, ce rapport avec la figure parentale donc, sur une manière assez absolue. Donc, il craint lorsque, par exemple, il s'oppose à ses parents ou il. Lorsque simplement il le déteste parce qu'il ne satisfait pas ses besoins, donc il imagine tout de suite, par exemple, aussi de rétorsions terribles. Donc il a la figure, évidemment, il a une scission entre la figure de la bonne mère et de la mauvaise mère. Et donc l'enfant s'attend de la mauvaise mère, par exemple, toutes les punitions possibles. Alors là, on demande toujours comment on sait qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 1 an, mais par exemple une confirmation assez intéressante se trouve par exemple dans ces cas-là et dans le monde des fables, par exemple comme l'a bien analysé aussi Bruno Bettelheim dans son livre classique. Pourquoi dans les fables il y a toujours, si souvent la figure de la mauvaise mère et qui n'est pas la mère dans les fables mais qui est toujours la belle mère parce que la véritable mère elle est morte et donc il y a toujours la belle mère dans les fables de Grimm par exemple qui veut tout le mal possible de l'enfant. Alors est-ce que c'est le reflet de situation réelle, est-ce qu'il faut imaginer avant que c'était si arrivé si souvent que les enfants se trouvaient avec une belle mère qui les déteste, certains cas ça peut être la réalité. Mais dans beaucoup, il est quand même peu probable que c'était tellement fréquent le cas et donc je pense qu'il est vrai, donc ces fables plaisent aux enfants parce qu'ils donnent une certaine manière, une forme reconnaissable, donc certaine manière contrôlable à cette angoisse d'avoir deux images de la mère qui ne coïncident pas. Donc évidemment, il y a la bonne mère mais qui est absente dans les fables, qui est morte. Évidemment, il y a toujours là, comme la belle-mère de Blanche-Neige qui est capable de tous les mal possibles. Donc c'est évidemment l'idée de certaines manières d'un surmoi archaïque donc, qui demande aux chasseurs d'amener la petite Blanche-Neige dans le bois et de lui crever le cœur avec un couteau. Donc. Et donc effectivement, si ces fables sont si répandues dans le monde, ils plaisent aux enfants malgré la terreur qu'elles inspirent, c'est évidemment parce qu'ils correspondent à quelque chose que les enfants sont en eux-mêmes. Justement, il ne tue pas. Le chasseur ne tue pas Blanche-Neige. Oui. Ça donne un espoir. Mais on pourrait même, maintenant je ne me rappelle pas exactement, je mettre là, mais exactement ce qu'ils disent en général. Et après, l'importance du tiers, classiquement du père, mais c'est aussi une autre, justement, le tiers dans la relation, il sauve l'enfant de cette relation totale avec la mère, avec cette relation originaire, donc, où l'enfant tente de certaines manières. Craignent d'une certaine manière d'être dévoré par cette mère totale. Et en même temps, au moins si on accepte la théorie de la pulsion de mort freudienne, en vérité, en même temps, l'enfant veut aussi revenir vers la mère, se fondre avec la mère, d'une certaine manière revenir à la paix de sa vie avant la naissance. Donc il subit aussi cette tentation. Donc, dans la situation classique, c'est le père, de certaine manière, qui démontre à l'enfant qu'il est aussi possible d'avoir un rapport avec la mère qui ne soit pas où on n'est pas dévoré. Donc, d'une certaine manière, qui permet, d'une certaine manière, un rapport plus équilibré. Voilà pourquoi. Donc, l'apparition d'une tierce donc, est si importante dans le développement de l'enfant. Elle permet certainement à l'enfant de prendre une distance intérieure avec cette mère autrement dévorante. Mais dans les films d'horreur, il n'y a pas quelqu'un qui sauve. Les gens, ils sont bouffés et tout. Je ne connais pas, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'analyses, justement, que ce genre de films de littérature ont du succès, parce qu'évidemment, ils l'expriment souvent d'une manière assez directe, justement, des peurs archaïques, comme la peur d'être dévoré aussi, ça, c'est très fréquent dans les fables, dans les mythes, donc l'idée que l'enfant craigne d'être dévoré, comme Zeus qui est dévoré par Saturne, etc. Je ne pense pas qu'il faut le lire cela comme le témoignage d'une réalité anthropologique. Ce sont des peurs archaïques. L'enfant a peur, peut-être aussi désir d'être, de cette manière, d'être définitivement rentré dans une espèce de fusion avec une figure, avec une future, une figure parentale. Et donc, justement, pour beaucoup d'approches psychoanalytiques, justement, la phase unifiée est déjà, de certaine manière, permet déjà à l'enfant de se sauver de ce monde archaïque antérieur qui est encore plus effrayant, parce que déjà, évidemment, l'enfant est un peu plus grand, et déjà, les figures sont en même temps les figures paternelles, parce qu'elles sont classiques, et en même temps, une figure qu'on peut aimer et craindre, respecter. Il n'y a pas la scission qui caractérise le rapport avec le parent pendant la première année de vie, ou les premières deux ans de vie. Et en plus, l'Esch insiste en vérité, ce qui en vérité en plus empêche la réalisation du désir incestueux de l'enfant, d'ailleurs aussi de la petite fille, en vérité n'est pas en vérité tellement la défense paternelle, mais en vérité la impossibilité objective pour l'enfant d'ailleurs d'y arriver de toute manière. L'enfant ne peut pas faire l'amour avec sa mère. Et d'une certaine manière, la défense paternelle, de certaine manière, tombe bien parce qu'il permet à l'enfant, de certaine manière, de rationaliser et de vivre comme une imposition extérieure, quelque chose qui en vérité est sa propre incapacité, qui serait peut-être encore plus douloureux à admettre qu'il ne peut pas réaliser ses désirs parce qu'il lui manque toutes les présupposés pour le faire. De certaine manière, le père arrive pratiquement presque pour assumer lui la responsabilité de l'imposer comme de l'externe quelque chose qui en réalité a des causes internes. Peut-être les angoisses les plus archaïques, on pourrait reprendre un peu ce que François Flaud dit, c'est le jeu n'est pas constitué à ses premières angoisses bien avant de... Problématique édipienne, on pourrait parler d'angoisse de mort. Après, on pourrait parler d'angoisse de la mort, quelque chose de plus constitué où le jeu existe, etc. Et je pense qu'effectivement, l'infantilisation la plus complète nous renvoie à ces angoisses de mort très hantées édipiennes. Oui, c'est une théorie, je pense, qui a gagné beaucoup de terrain parce que. Elles correspondent à une situation historique changée. Donc la situation, le capitalisme classique était caractérisé par la situation oedipienne, par des structures autoritaires visibles. Et donc après, ces structures ont beaucoup perdu de leur importance d'un côté par une série justement de changements socio-économiques et de l'autre côté aussi pour toutes les critiques qu'on a adressées à ces structures autoritaires, à leurs dérives, par exemple les militaristes et autres, patriarcat, etc. Mais justement, l'importance de l'Esch est de dire en vérité, on n'a rien gagné en abolissant la structure olympienne, on n'est pas allé vers une société plus libre, au contraire, nous sommes tombés dans une. Certaines manières dans une forme de non-liberté encore plus profonde parce qu'enracinée dans des structures encore plus anciennes, d'une certaine manière donc aussi moins contrôlables et plus de l'être humain. C'est justement là toute la théorie de l'Esch. Et aussi sa différence avec les conservateurs. Il ne dit pas nous vivons dans une société où il y a trop de liberté parce qu'il n'y a plus de père. Il dit au contraire, il n'y a plus de père, et là où il n'y a plus de père, il y a de. de surmoi archaïque beaucoup plus cruel qui vont s'installer. D'abord, on peut, je pense, le voir sur le plan sociologique. On voit que souvent les gens, par exemple, surtout les jeunes mâles qui viennent des familles sans père, sans structure visible, ce sont souvent eux qui s'enrôlent dans, par exemple, dans des gangs, dans d'autres structures où il y a des structures autoritaires extrêmement féroces, qui évidemment leur servent aussi de certaines manières pour contrôler, de certaines manières pour canaliser leur propre agressivité extrême. Mais dans les passages que vous avez lu, on parle aussi de la férocité du surmoi contre le moi, et qui l'accable de reproches, comme dit aussi Freud, qui vont souvent absolument au-delà du raisonnable. Et là aussi, c'est quelque chose que nous trouvons aujourd'hui assez souvent. Seulement, il faut le redéfinir. Aujourd'hui, le surmoi, en général, ne s'exprime pas sous la forme classique moralisante. Il ne dit pas « Ah, tu as eu des pensées pécamineuses parce que tu as voulu coucher avec ta collègue. » Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le surmoi, par exemple, très souvent, le classique reproche qu'il fait sont souvent, par exemple, du genre « Tu n'as pas eu assez de succès dans la vie professionnelle, ou tu n'as pas trouvé le bon partenaire qui t'est convenu dans la vie, ou tu n'as pas su faire de belles vacances tandis que tous les amis l'ont fait. » Donc justement, ce genre de reproches vont souvent surtout dans le sens de reprocher au moins une espèce d'insuffisance totale. Donc la réaction classique, c'est la dépression. Donc là aussi, l'explication principale de la dépression, sur laquelle il a déjà donné par Freud, c'est exactement une espèce de culpabilité inconsciente. Donc la dépression, l'individu se sent coupable de ne pas réussir à correspondre aux attentes qui ont été formulées pour le surmoi. Donc le surmoi aujourd'hui, justement, il demande en général moins de suivre une certaine conduite morale, mais il demande surtout à l'individu d'avoir du succès dans la vie, de savoir jouir dans la vie. Oui, justement, là aussi, les lacaniens ont quand même raison, il y a une espèce d'imposition de la jouissance. Ah, mais c'est là la citation que vous faisiez sur le moi idéal qui doit être complètement ultra glorieux. Tintamarre et trompette sans cesse, la citation que vous faisiez de l'âge tout à l'heure. Il avait quand même fait ce livre il y a maintenant une vingtaine d'années sur l'imposition d'être heureux, l'injonction. Et il reste ce livre d'essai comme ça, très simple. Mais il reste tout à fait intéressant à lire. Je trouve plus actuel maintenant que quand il l'a écrit. Et soyez heureux. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a encore des gens qui traînent dans un coin. Oui, donc le surmoi, donc justement aujourd'hui, il est extrêmement présent. Justement, il ne faut pas l'identifier avec sa figure classique du genre du prêtre ou du père autoritaire. Donc il y a une espèce d'injonction de jouissance. Et donc il y a toujours, surtout, une espèce. Une sensation d'insuffisance. Donc aujourd'hui, une fois, les pêcheurs se sentaient toujours en faute par rapport aux exigences morales. Aujourd'hui, on se sent toujours en faute envers soi-même, surtout envers ce qu'on pouvait faire de sa vie. Ça, c'est plus la difficulté de sortir de la position de toute puissance qui est liée à ce que décrit Christophe Lèche que la culpabilité, parce que la culpabilité est nécessaire pour réparer. Quand l'enfant sort des pulsions destructrices, c'est nécessaire qu'il ressente une culpabilité pour pouvoir réparer. Donc, je pense que c'est plus la. On dit où j'ai raté ma vie professionnelle et tout. C'est parce que les gens sont infantilisés et donc ils gardent cette idée qu'ils devraient être tout puissants, quoi. Comme le petit enfant est tout puissant parce qu'il n'est pas séparé, il n'a pas fait la différence entre le moi et le non-moi. Oui, et donc il y a donc toujours ce sont de toute puissance porte donc à des idées assez irréalistes sur ce qu'on peut faire dans sa vie. Et qui évidemment, qui en plus se renforce, d'ailleurs actuellement encore beaucoup, justement aussi avec disons, les tendances plus ou moins égalitaires dans la société tendent à renforcer ce fait. C'est d'ailleurs ça est déjà assez bien décrit par exemple par Bauman. Parce que moins on est, apparemment, on est plus libre si on est moins déterminé par ses origines. Donc, lorsqu'il y a une espèce d'égalité de chance, lorsque on est peu pratiquement, on n'a plus de justification, ça veut aussi dire. On ne peut plus dire ah, j'ai été discriminé parce que j'étais une femme, ou parce que j'ai venu de la campagne, ou parce que je suis handicapé, ou parce que je suis gay ou noir. Pratiquement, plus on réalise pratiquement la possibilité pour tous de faire tout ce qu'on peut faire de leur vie, plus en général, les individus pensent qu'ils devraient faire tous de leur vie et ils sont nécessairement extrêmement frustrés, se sentent coupables parce que de toute manière, ils n'ont même plus d'excuses. Une fois, un fils de l'ouvrier va peut-être comme horizon, à la limite, peut-être le devenir employé, c'était une chose limitée, mais encore relativement raisonnable qu'il pouvait faire, donc il pouvait y réussir. Aujourd'hui aussi, par exemple, dans la publicité, on te dit tout le temps, la vie, le monde est à toi, donc toi, tu peux avoir un super boulot et la plus grande voiture et tu peux être plein d'amis, de maris, de femmes et d'amantes. Tu peux gagner beaucoup, etc. Si tu ne réussis pas, c'est ta faute et ta faute seulement, c'est le discours aujourd'hui. Une fois, les gens pouvaient dire, ah, c'est pas ma faute, parce que je suis ouvrier, et donc toute la classe ouvrière, par exemple, est mal mise. Je suis femme, parce que les femmes se sont toujours discriminées au travail. Ça permettait, quand même, si cette discrimination était réelle, elle permettait en même temps aussi à l'individu de accepter, au moins, d'une certaine manière, ce qui lui arrivait, ou de donner la faute à d'autres. Aujourd'hui, on a aboli ce genre de discrimination, pour partie. Mais on n'a pas du tout aboli, au contraire, on a toujours augmenté le degré de compétition dans la société. Donc ça veut dire que l'individu, maintenant, se sent totalement responsable de ce qui lui arrive. Et de toute manière, rien qui nous arrive n'est jamais à l'auteur de ses attentes, ou plutôt des attentes auxquelles on le fait croire. Il y a l'immédiatisation, oui. Hein, l'information s'apparaît, etc. Mais immédiatisation, il y a quelque chose qui nous renvoie bien à notre sujet, c'est que le médiateur, en schéma bien le père, mais ça oui. peut être le troisième terme, peut être beaucoup oui. d'autres figures, pas forcément des figures traditionnelles, autoritaires, mais troisième terme qui aide à s'insérer dans le réel, etc., il n'est pas dans l'immédiatisation. Et ce qui est étonnant maintenant, c'est que même les médias, qui font pourtant la cour à l'homme moderne, puisqu'ils font la promotion sans arrêt de ses opinions supposées, etc., l'homme moderne les rejette de plus en plus. On comprend le rejet de la politique, de l'histoire, etc., pas dans le sens de l'immédiatisation. Et maintenant, même les médias, parce que les médias, c'est médiateur. Ça fait encore tampon dans l'immédiatisation, alors que les médias sont quand même... essaient de coller à l'homme moderne. Eux aussi vont être rejetés. Voilà. Malgré qu'ils collent. Oui, et moi, je voudrais dire une chose. Je suis assez en désaccord avec les méandres de l'explication psychanalytique. Je vais expliquer en peu de mots pourquoi. Parce que, justement, ça m'étonne de ta part, c'est-à-dire c'est une inversion des déterminations. C'est la société, c'est la société qui crée en partie la psychologie individuelle, et justement l'impression d'oppression accentuée, qui a été mentionnée à plusieurs reprises, à mon avis, elle ne vient pas de cette explication-là. Alors, quand on parle d'archaïsme, j'aurais tendance à dire, peut-être on peut dire archaïsme, mais c'est plutôt, comment dire, c'est les sources de l'oppression sont devenues invisibles. Ce fameux surmoi, il n'est plus visible. Et justement, si on veut retrouver des sources de cette détermination nouvelle, il faudrait plutôt... ça a été évoqué au début, et ça c'est un grand manque de la critique sociale actuelle sur plusieurs décennies, c'est sur les bureaucraties. Alors, la critique de la bureaucratie d'État a été faite entre les deux guerres et même après. La bureaucratie privée, qui existe, qui est monstrueuse à l'échelle mondiale, n'a pas été faite. Et il y a, dans l'intégration des deux, il y a un phénomène très très moderne et constant, c'est le numérique. Le numérique, c'est la bureaucratie, c'est la fusion des deux qui définit le quotidien. Et ça, je pense que cette critique-là m'intéresse bien davantage que les méandres, d'ailleurs le mot vient de toi, les méandres des explications psychanalytiques, et à la fin, on peut trouver un milliard d'explications. Un milliard, en recommençant toujours avec ce fameux... ce fameux séparation de la mère, du père, etc. On n'en sort pas. Et moi, je pense que... Et pourtant, on sort de là. Oui, bah, d'abord, Lesch même, il fait le lien avec la bureaucratie. Donc, on dit que la bureaucratie, la grande structure bureaucratique, pas seulement de l'État, mais des entreprises, comme j'ai déjà dit, aussi comme vraiment la cause principale de la montée du narcissisme et donc de l'individu donc, qui n'a plus un rapport direct avec le monde à travers les objets à sa portée. Ah, oui. Mais qui se trouve pratiquement pris totalement dans une situation de dépendance et de détresse. C'est ça la discussion. Ouais. Ouais, l'indépendance ou infantilisation, peu importe comment, ouais. comment on l'appelle, si elle est accrue, il faut en voir les sources. Les sources, et justement, les sources ne sont pas sont beaucoup moins dans une éducation, une enfance, que dans la permanence de la vie quotidienne et de la détermination de la société. On appelle le socius, ça. On appelle le socius, ça existe depuis... Ah oui. Que ce soit de cette manière ou d'une autre, de toute façon, le socius, il est là. Et on peut l'appeler comme on veut. Pour moi, les gens... Il vaut mieux dire ce que c'est. C'est la reproduction de la société par le socius. C'est le développement de l'individu qui reproduit sur la société, oui. Ça, on peut le dire. Et développer ses raisons. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a une circularité entre l'individu et la société. Oui, mais il y a un moment, il y a des déterminations. Oui, mais on ne va quand même pas se demander s'il y avait d'abord le poulet ou l'œuf, mais... Il y a un moment, il y a des rapports plus déterminants que d'autres. Oui. Voilà. Sinon, c'est l'inversion de la réalité. Oui, mais justement, intéressant de voir, je pense, pourquoi certaines tendances sociales... renforce certaines tendances psychiques chez l'individu au détriment d'autres. Il les crée pas, mais il trouve par exemple effectivement la numérisation du monde et assurément des effets même sur la structure psychique qui sont encore assez peu explorés. Moi, je suis sûr que oui. Et c'est sûr que, par exemple, que la numérisation, en général, que le virtuel, avec son effacement du temps et de l'espace, et avec son impression de pouvoir être partout en même temps, de ne pratiquement pas avoir de corps physique, probablement, d'une certaine manière, renforce beaucoup ces situations de l'effacement entre le moi et le non-moi. Là aussi, j'insiste, ce problème de toutes ces différentes formes aussi de séparation entre moi et non moi qui peut réussir ou ne pas réussir, le narcissisme, l'angoisse de séparation, les castrations, etc. Tout cela, ce n'est pas spécifiquement d'une société ou d'une autre. Probablement que cela existe au monde depuis très longtemps, mais justement, les différentes cultures, ils, de certaine manière, stimulent chez les individus le développement, plutôt un type de développement ou l'autre. De même qu'évidemment, on peut dire à un niveau plus superficiel que l'époque néolibérale, par exemple, a sûrement, par exemple, beaucoup plus favorisé, par exemple, les pervers narcissiques à devenir chef d'industrie et, par exemple, donné beaucoup moins de possibilités, par exemple, aux individus coopératifs que, par exemple, que dans d'autres sociétés. Mais, il y a quand même une chose à laquelle je voulais toujours arriver. Donc il faut là aller une part au-delà de ce qui me semble que dit Lesch. Donc le narcissisme n'est pas lié, je pense, seulement à le développement des dernières décennies comme la bureaucratisation, la famille égalitaire, la diffusion de nouveaux médias ou l'augmentation de des marchandises jetables. Certainement, le narcissisme a quand même une structure plus profonde qui est justement son parallélisme avec la structure de la valeur, avec la structure de la marchandise. Donc c'est cette forme sans contenu, donc cette impossibilité de tenir compte de ce qui est le contenu du monde en faveur d'une simple forme vide qui se reproduit toujours. Quand même, la première grande description d'une approche narcissique au monde se trouve quand même au tout début du capitalisme chez Descartes, comme nous l'avons vu. Donc ce que décrit Descartes, cette espèce d'une moi qui ne connaît rien du monde extérieur, qui se conçoit comme une moi vide absolument de tout contenu, et que seulement dans un deuxième moment, à certaines manières, admet l'hypothèse d'un monde extérieur duquel il reste quand même totalement séparé, en vérité. En vérité, il ne vit que pratiquement que comme sa projection. Donc cette approche, à certaines manières, a été continuée après par d'autres philosophies, et comme déjà une espèce de construction narcissique du monde. C'est pour abolir le socius, et pour ne pas avoir à tenir compte du socius. Justement. Du socius, c'est-à-dire la reproduction de la société. Ouais. Si Descartes se met pendant deux jours dans son four, c'est pour qu'il n'y ait pas de société autour, et pour qu'il puisse réfléchir par lui-même, sans être, par la société, vous voyez, influencé par la société. Donc, dans ce cas-là, c'est bien. Il ne faut pas croire que c'est parce que Descartes s'est mis dans son four pendant deux jours que ça y est, il y a le surmoi, on est tous dans le capitalisme, etc. Au contraire, c'était un essai d'échapper au socius. Un des 10 essais, il y a Deleuze aussi a essayé d'échapper au socius. Descartes a essayé d'échapper au socius. Il faut arrêter de rendre ça péjoratif, toujours, ce pauvre Descartes, là. Non, ce n'est pas Descartes, même le grand mérite est exprimé. En plus, c'est Descartes, ce n'est pas une retraite dans la solitude de contemplation, comme ont toujours fait les ascètes. L'arche Descartes, c'est vraiment l'idée de nier l'existence de tout ce qui est au dehors du moi. Et cela, je pense, n'a jamais été fait d'avant. Il y a une différence entre nier et faire abstraction, quand même. Nier, c'est péjoratif, mais faire abstraction, c'est neutre. La négation du monde, c'est une forme de folie, mais son abstraction, c'est une folie furieuse, quoi. Parce que en plus, je prétends à l'extrême rationalité de ma démarche. Ce qui est quand même Quand ça a fait la même chose. Quand il tournait autour de sa maison, deux heures, et il voyait un fou. Il fréquentait juste un fou. Et il a fait tout son truc, tous ses bouquins. Il suffit de le remplacer par faire abstraction, c'est tout. Comment tu veux faire pour faire abstraction de ton socius, de tout ce qui t'a influencé, etc. Comment tu veux faire? C'est pour assurer la discussion. Si, tout à l'heure, la société, absolument, elle se reproduit, etc. J'ai pas dit ça, j'ai bien entendu qu'elle se reproduit. Ah bon. Hein, mais c'est tellement évident, c'est même pas, c'est ni bon ni mauvais, c'est un fait. Vous aviez un grief quand même. Je suis en désaccord avec les méandres de l'explication psychanalytique, c'est tout. Je pense que c'est une inversion de l'autodétermination. C'est ça qui s'est développé. D'ailleurs, justement, je préfère les arguments qui viennent d'être juste mis sur la table juste il y a quelques instants. Ça serait plus intéressant d'aller voir ça du côté marxien et du côté de la théorie de la valeur. Et des choses comme ça, et de l'inconscient, de la non-conscience, pas de l'inconscient, de la non-conscience. C'est-à-dire que justement, le problème, il est là, hein, c'est d'arriver à avoir une autonomie de la conscience et le début un peu d'émancipation. Mais bon, justement, toutes les tentatives d'émancipation sont toujours heurtées justement contre cette tendance, même des individus, a toujours retombé dans les solutions préfabriquées, dans la servitude volontaire. Voilà pourquoi, justement, on était si important les tentatives, même par exemple au début de la théorie critique de l'école de Francfort, de comprendre pourquoi les individus restent de certaines manières si liés, et même contre leurs propres intérêts au sens matériel et économique, à la structure de la domination, et en quoi les différentes formes de domination, de certaines manières, marchent parce qu'elles sont enracinées dans notre structure, de certaines manières pulsionnelles et dans nos restes d'enfance. Et là, justement, à l'époque, par exemple, il y avait par exemple la grande étude sur la personnalité autoritaire qui avait été faite par Horkheimer et son équipe aux États-Unis en 1950. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de faire une grande étude sur la personnalité narcissique, parce que justement, parce que l'ancien autoritarisme n'est pas complètement disparu, mais il a quand même cédé beaucoup de terrain à ces structures narcissiques. Et là, c'est un aspect intéressant, ces structures narcissiques, en même temps, ils se présentent beaucoup plus que les anciennes structures autoritaires, se présentent comme les amis des individus, ils se présentent comme des instances de libération, ils ont récupéré justement le désir des libertés même pulsionnelles de l'être humain, ils l'ont mis au service d'une autre forme de domination. Et là, donc aujourd'hui, finalement, on n'a pas eu le temps d'arriver au livre Eros et civilisation. C'est un livre grand de certains côtés, mais de l'autre côté, il nous apparaît aujourd'hui inévitablement naïf, je pense. Naïf pas seulement parce qu'évidemment, d'abord naïf peut-être par sa valorisation très positive de la technologie. Naïf aussi, évidemment, comme l'idée que, de certaine manière, semble comme juger relativement facile un changement dans la même structure pulsionnelle de l'être humain, mais surtout, d'une certaine manière, naïf, je dis, entre guillemets, aussi parce que Marcuse aussi, comme beaucoup d'autres, pensait qu'une autre structure de la sexualité serait, d'une certaine manière, mettrait en émoi définitivement la société capitaliste. Et là, nous avons vu que ce n'est pas du tout le cas. Nous avons vu de certaines manières que le capitalisme peut quand même de certaines manières s'accommoder même des choses qui, encore il y a deux générations avant, auraient été jugées par exemple comme absolument perverties. Et je pense que si nous voulons comprendre quelle est la domination aujourd'hui, nous devons aussi voir donc, pourquoi beaucoup des espoirs du passé ont échoué, pourquoi donc un changement purement économique ou dans la propriété des moyens de production, ni un changement purement psychologique ou dans la liberté de mœurs ou de la vie quotidienne ont été suffisantes. Je trouve justement que j'ai été tenté de penser ces deux concepts du fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire la critique de l'économie politique, et le concept de narcissisme, c'est-à-dire une psychoanalyse évidemment repensée ensemble, permettent quand même une approche, je ne dis pas totale, mais quand même peut-être assez large de ce qui nous arrive, hein, qui ne donne d'ailleurs la priorité ni à l'un ni à l'autre de ces deux facteurs. Hein. Et justement, j'insiste sur le fait qu'il y a un aspect. Certaines manières, il y a un parallélisme profond entre la structure de la valeur, le travail abstrait, donc c'est-à-dire la évacuation de tout contenu au profit d'une forme vide, et le narcissisme qui est également une espèce de moi qui est vide, qui n'a pas de véritable relation objectale, donc qui réduit tout le monde extérieur à une espèce de masse indistincte, exactement comme l'a fait la valeur, qui réduit le concret à une espèce de simple masse inerte, et de même que le moi narcissique est quand même pauvre parce qu'en vérité, il ne peut pas s'enrichir en rapport avec un monde extérieur véritable. De même, la valeur est une structure vide justement parce qu'elle ne peut pratiquement qu'abuser du monde concret pour se reproduire sous forme d'argent, mais elle ne peut jamais pratiquement en tenir compte. Alors là, on pourrait dire que le narcissisme est, de certaine manière, la forme psychique qui correspond effectivement à la société, à la valeur, à la société marchande, mais quand même ce n'est que dans les dernières décennies que que le narcissisme a vraiment prévalu comme forme psychologique, et parce que ce n'est que dans les dernières décennies que, de certaines manières, que la société valeur se imposait de manière pure, pratiquement sans compromis avec d'autres formes de société. Nous avons aussi vu que, pour la critique de la valeur, le capitalisme longtemps et enfin, le capitalisme que décrivait Marx était en vérité encore une mélange de ce noyau de la valeur avec beaucoup d'autres formes, qui appartenaient à des époques précédentes, par exemple avec des situations plus ou moins féodales ou proto-bourgeois, et que ce n'est pratiquement qu'en les dernières décennies que pratiquement la valeur a complètement pris en régie la société. Et c'est à ce moment-là qu'évidemment le narcissisme s'est répandu aussi dans sa forme pure. On pourrait dire que les anciennes formes autoritaires étaient au moins jusqu'à un certain degré également souvent plutôt de survivance de notre époque que le correspondant de la valeur à l'état chimique. Même si, évidemment, il ne faut jamais tomber dans l'erreur, comme font certains observateurs, de croire que les anciennes structures autoritaires ont totalement cédé la place à la séduction et au narcissisme. Et justement, le livre de Marcuse est intéressant, parce que, et les critiques que Lesch adresse à Marcuse, parce qu'on voit comment certaines instances de libération, même très radicales, se trouvent de certaines manières réalisées de manière pervertie dans une société, effectivement, du capitalisme narcissique. Pour Marcuse, et Narcisse est une figure clairement positive qu'il évoque ensemble avec Orphée. Alors, peut-être on va en parler alors la prochaine fois. D'ailleurs, Gabriel a écrit un article assez intéressant sur la lecture que fait Guy Debord de Marcuse, justement de ce livre ici, parce que Debord, il ne cite jamais ouvertement Marcuse, peut-être que vous pouvez l'expliquer, hein. Mais on peut donc penser, on aurait dû penser que... D'accord, on va en parler pour ça. Non, je dis que c'est intéressant, ça va être publié sur Illusion, hein, que... Ça va être lisible, dans la revue. Non, parce qu'effectivement, j'ai toujours dit que peut-être Marcuse et Debord sont les seuls deux auteurs des années 60 qu'on peut encore lire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses en parallèle. Bah, Debord ne cite jamais Marcuse. Mais en vérité, donc, on a découvert, Gabriel aussi a découvert à la Bibliothèque nationale, parmi les fiches de lecture de ses archives, qui ont été maintenant accessibles au public, qu'il avait attentivement étudié Eros et Civilisation. Il avait même, qu'est-ce qu'il avait écrit en marge? Ce sont tous les thèses de Lies, non? Oui, ce sont les thèses de base de Lies. Et donc finalement, il a éliminé dans la dernière rédaction ses références à la psychoanalyse et peut-être à Marcuse, maintenant qu'en vérité, il y avait était bien conscient du parallélisme des approches. Et surtout, un parallélisme surtout dans la partie la plus problématique chez les deux, cette idée que le développement de la technique et la domination de la nature constituent le présupposé nécessaire pour une libération. Cette idée qui peut-être aujourd'hui nous paraît la plus discutable dans le livre de Marcuse était aussi assez forte chez les situationnistes au début. Donc ici, donc, il y a quand même une curieuse rencontre des esprits. Le film de Guy Debord, celui qui a un titre à rallonge en italien. Et qui est beaucoup plus tardif, je pense, de ses dernières œuvres. Et je trouve qu'on retrouve un peu ce que vous avez développé dans l'âge et la critique beaucoup plus pessimiste de la société, non seulement du spectacle, mais la société la paillette, la société technologique, etc. Il insiste longuement sur le déplacement des Halles du centre de Paris à Rungis. Et dans des films, c'est Marcus, il y a certains films. C'est très intéressant parce qu'ils comprennent bien ces critiques précédentes. Mais il faut avoir le moral pour le voir, parce que c'est un film beaucoup plus pessimiste que certaines choses qui ont été écrites par Debord avant. Il y a des gens qui l'ont lu 10 fois ce film. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'on peut être un peu addict de tout ça en défi. Que je dessine. Je suis dans son corps. Je suis pas si c'est un peu pessimiste. C'est bon. Alors, donc, on se voit donc dans 2 semaines. Je suis trop lourd.